est un con ou un con. Il a tort, c'est facile d'appuyer sur la détente. Mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est plus difficile. Alors qui c'est le vrai dur dans l'histoire? Eh ben je vais te le dire, c'est l'ouvrier, oui c'est ton père le vrai dur. Mais tout le monde l'aime, c'est comme toi dans ton bus, tout le monde t'aime, non. C'est pareil. Non, c'est très différent, les gens ne l'aiment pas, ils ont peur de lui, ils le craignent. Je comprends rien, papa. C'est normal. Du fond de la cage, escalier jusqu'au fond du RER. Faut que les larmes casse les couilles, j'casse les leurs. Pas de dealer, killer. Sans pas le fait d'être le plus bad dealer. J'ai du l'air de shit, mec de pilon, j'suis le pileur. Sex, cliff, killer. Qui fait enchaîner les taffes à n'importe quelle heure. Du matin ou du soir, j'tartine. Une gare ou du lourd ou l'instar. Pendant que les chemins tapinent en ville, j'suis pas sur leur radar. Et gros, j'ai pas de trader. Quand j'roule, tout découle, escrète, y'a pas de trodeur. Fini, les négros, j'prends une odeur. J'me cale dans une caisse, percée par le bruit du moteur. Diffuse dans mon sang, le pédo passé censé. Anti-pédo dans ma tête qui se met censé doper par le PO, dopé 1 AKA. De PO, je le kiffe en groupe ou en solo. Ni sucré ni salé, je les ai rentrés les doigts là, je suis un salaud, je me laisse aller. Ça me rend bien plus insolent, même isolé, je fais partie des plus saoulés. Et le manteau crasse ici, et dans le coma, fait couler gamin, ça peut te canner. Non, faut pas déconner avec une drogue dure, elle peut te canner. MC ma douce, ma EJ me fait décoller. MC, tu sais que son L, tu alarmé, alarmant. Car ces PD veulent interdire mon calme, mais comment ces mômes peuvent cogiter aussi bêtement? J'fume, j'suis pas une bête. Faut pas déconner avec une drogue dure. Elle peut te canner. Et dans le coma, fait couler gamin, ça peut te canner. Non, faut pas déconner. Faut pas déconner avec une drogue dure. Elle peut te canner. Moi, je me prends pas la tête, moi, cherche à être nettement plus risqué que toi. Je représente les mecs de test, tu peux pas tester mon son. Mon son c'est saga, maintenant tu le prends comme tu t'agaches, te tagasse, traite le but comme une tagasse. Bouge dans ta de graisse, même si ça t'angoisse, sache que c'est yes. MC fait de place, la double MO qui se place, puis je passe sur des bad pistes. Impose un flop, libre de bras de vie grâce à l'inspire rapide. Faut pas déconner avec une drogue dure. Elle peut te canner. Et dans le coma, fait couler gamin, ça peut te canner. Non, faut pas déconner. Faut pas déconner avec une drogue dure. Elle peut te canner. Le rap, le diable qui m'habite, grâce à lui, l'état me suce la bite. Bis, bout de shit. Trois facettes de la boule de l'illicite. Boule qui excite les schmitts. Fait que chaque jour, ils s'invitent, nous visitent. Veulent cramer notre vie en jouant les parasites. Fait que l'ensuite, je les insulte. Pour qui me fellationne quand je tombe sur un raciste. J'active le flow antifasciste. Imaxel, pacifiste, créer ma révolution. L'impose à tous comme sur playlist. Ma rage j'additionne pas, elle se multiplie. Dans le rap, j'ai pas de parti pris. J'suis pas le courant, j'suis une multiprise. Multiplice, fous le feu dans la street avec ton égard et l'ego. J'ai la taille d'un menhir, le meneur manipule du vieillard au vieilleur. Avec le cachet, le tagasse, comme c'est le dé du bonheur. T'attends ton heure du revers, la médaille d'or m'imposer en posant, dépasser en le faisant pour faire le bien. Me surpasser en phrasant, rarement être déplaisant, toujours faire ça bien, même sous pression pesante. Je me présente, T-Max, lorsque j'ai du fond du ventre, pousser jamais me vendre. Elle est orgueil, j'ai vendre, faire place au bien. Lorsque s'efface le mal, pour plus que le mal ne tente, j'rappe pas pour qu'on me complimente, rester dans le bien. Rester dans le bien. J'rappe ce qui fait que les gars tapent en non-sens. Ce qui fait que les gars se butent en chétan. Ce qui fait que les gros changent en grosse pute. Chaque but que j'déboîte, c'est un cerveau qui se débloque. J'crache la vérité comme un Glock ou les mecs de bloc. T'inquiète mon pote.